une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la donne à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud.